Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Donc ce soir, nous sommes sur Tranche d'un art, comme tous les vendredis soirs de 21h à 22h30. Notre adresse est toujours le 365A, chaussée d'Alsenberg, 1190 Bruxelles. Notre numéro de téléphone, si vous voulez nous téléphoner ou nous cracher dessus, c'est comme vous voulez. Par téléphone, oui. Le 02-344-58-55, 02-344-58-55. Ce soir, nous avons une invitée. Bonsoir. Bonsoir. Laura. Oui. Tu te fais une petite présentation. Oui, alors je m'appelle Laura Vérec. Je suis française, mais j'habite à Bruxelles depuis un petit moment. Et je travaille pour Corporate Europe Observatory. Donc c'est un jeu de mots en anglais, ça veut dire PDG, mais ça ne marche pas du tout en français. PDG. Voilà, CEO, ça veut dire PDG. En fait, l'ironie est qu'en fait, nous sommes en fait un observatoire des lobbies. Donc on observe et dénonce le pouvoir des lobbies des grandes entreprises sur la politique européenne. Ok. Et ce soir, tu vas nous parler du problème du CETA. Voilà, du problème du CETA. Ouais. Donc une première question. Apparemment, la ministre du Commerce canadienne est rentrée à la maison. Elle a jeté l'éponge, hein, pour l'instant. Est-ce qu'on a raison de sortir le champagne? On ne peut pas encore sortir le champagne parce qu'en fait, ce qu'elle a essayé, c'est de faire plier Monsieur Magnette, le président de la Wallonie. Elle n'a pas réussi, mais elle a tout de même réussi à convaincre le ministre belge des Affaires étrangères et tous les autres pays européens. Donc on a une résistance d'un Parlement, le Parlement wallon, mais on a quand même une acceptance de tous les autres pays européens, donc ce n'est pas encore une victoire. Oui, et puis avant on parlait surtout de TTIP, puis à un moment ça s'est calé un peu les négociations apparemment. Maintenant on parle de CETA, on parle parfois aussi du TISA. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Quelle est la différence? Pourquoi le TTIP serait pire puisqu'on s'y est attaqué plus vite? Enfin, quelles sont les différences en fait entre les accords? Alors pour revenir au tout début, l'Union européenne a le pouvoir de négocier pour les 28 pays de l'Union européenne depuis le traité de Lisbonne, donc depuis une dizaine d'années. Lorsqu'elle a eu ses pouvoirs de faire des négociations commerciales, elle a tout d'abord commencé avec le Canada. Et c'est pour ça qu'on a le CETA maintenant. Elle a eu 7 ans de négociations. Le texte est final depuis 2 ans et accessible à tous en ligne. Et puis, une fois que les négociations avec le Canada se sont bien passées, l'Union européenne s'est tournée vers les États-Unis. Il faut savoir que, pour faire l'accord de commerce TTIP, il faut savoir que c'est le rêve des lobbies à Bruxelles depuis une vingtaine d'années. C'est quelque chose qui, en fait, est demandé par les plus grandes entreprises européennes depuis entre 20 et 30 ans. En fait, depuis qu'on a un marché unique en Europe, le rêve des grandes multinationales, c'est de pouvoir l'étendre aux États-Unis. Et en fait, la finalité qu'on a finalement dans ces traités, c'est une multinationale voudrait pouvoir s'implémenter en Roumanie, en Bulgarie ou au Delaware, suivre les lois de cet État-là et exporter sans avoir à soucier des autres lois qu'il puisse avoir en Europe ou aux États-Unis. Donc c'est ça un peu finalement la différence, c'est que le marché américain est plus grand, les multinationales aussi sont plus connues, plus fortes, d'une certaine façon plus dangereuses. Donc le TTIP couvrirait beaucoup plus de domaines réglementaires que le CETA avec le Canada. Malgré tout, il faut savoir qu'une multinationale, c'est une multinationale. Même si c'est une multinationale américaine comme Monsanto, c'est une multinationale qui a une filiale au Canada. Donc même si on n'avait que le CETA et pas le TTIP, on aurait toujours toutes les menaces du TTIP, étant donné qu'on aurait les mêmes multinationales présentes au Canada. L'accord TISA, il est un peu différent, il concerne uniquement les services. Le CETA et le TTIP couvrent la plupart en fait, des domaines, c'est les données dans notre téléphone, l'alimentation qu'on achète tous les jours, c'est énormément de sujets. Le TISA, c'est uniquement les services publics, donc là, l'éducation, la santé. Et il se fait au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, avec beaucoup d'autres personnes que l'Union européenne. Donc il y a d'autres pays qui négocient avec l'Union européenne. Oui, et où est-ce qu'on en est avec le TISA? Alors le TISA, on avance, mais pas tant que ça déjà, parce que ça demande une libéralisation des services publics, donc une privatisation des services publics qui n'est pas acceptée par tout le monde. Donc il y a beaucoup de négociations sur ce sujet. De plus, il y a eu beaucoup de fuites. Donc on voit très bien. Donc de plus en plus, l'opinion publique connaît l'avancée des négociations. Donc sur ce point-là, on n'avance pas beaucoup. Il y a aussi une controverse qu'on a dans le TTIP et dans le CETA, qui sont les tribunaux d'arbitrage, qu'on n'a pas dans le TISA. Mais il faut savoir ce que l'intention de l'Union européenne et des États-Unis, c'est de tout ce qui n'arrive, toute la libéralisation et la privatisation qu'ils veulent faire avec le TTIP et le CETA. Tout ce qu'ils n'arriveront pas à privatiser dans ces deux accords, ils le feront à travers le TISA. Donc le TISA, c'est l'étape suivante de la privatisation des services publics. Oui, parce que si j'ai bien, j'ai un peu suivi comment ça s'est passé en Wallonie, et on a vu comment on a essayé d'amadouer le Parlement wallon, parce qu'en gros, il s'agit de ça. Comment dire ? Un des grands soucis, notamment, c'est l'arbitrage. Donc le fait qu'on crée une sorte de super juridiction au-dessus de tous les États souverains, etc., qui sont gérés par qui, en fait ? Alors, en fait, on a un système qui s'est développé dans les années 70, qui est en fait un système parallèle. Donc déjà, c'est un des soucis, c'est une justice parallèle. C'est une justice qui a lieu à Washington, à la Banque mondiale, ou dans une chambre de commerce et d'industrie à Stockholm ou à Paris. Donc c'est déjà dans une institution privée. Donc c'est ça les deux soucis avec ces tribunaux. Il y en a un troisième aussi, c'est tout d'abord, c'est une justice à son sens unique, c'est-à-dire un investisseur obtient des droits grâce à un traité de commerce et il fait valoir ses droits dans une justice privée. Et ensuite, donc cette justice est privée, elle est parallèle, c'est-à-dire qu'un investisseur canadien demain en Belgique aura le choix du tribunal. C'est-à-dire s'il a un problème, qu'il estime qu'il a été discriminé, il aura le choix d'aller dans un tribunal belge ou dans un tribunal international. Sachant qu'en plus, ce tribunal international lui donnera davantage faveur, étant donné que ce système, c'est chaque partie, donc l'État et l'investisseur, paye un cabinet d'avocat jusqu'à $800 par heure. Et l'arbitre qui doit trancher, lui, est aussi payé à l'heure. Donc si l'arbitre donne faveur à l'investisseur, demain, il a plus de chances d'avoir un travail. Donc ce système donne forcément raison à l'investisseur. Donc on a une justice vraiment biaisée, non indépendante, privée et parallèle, dans des pays où on estime que les cours sont assez indépendantes pour juger des cas des investisseurs canadiens ou américains. On n'a pas des tribunaux corrompus. Il n'y a aucune raison pour laquelle on aurait besoin de cet arbitrage. Et puis, on nous dit tout le temps, ces tribunaux vont nous amener des investisseurs, des emplois. Il y a des pays comme l'Afrique du Sud ou le Brésil qui n'ont jamais eu de tribunaux d'arbitrage et qui reçoivent énormément d'investissements étrangers. Et on reçoit déjà énormément d'investissements canadiens et américains. Excuse-moi, mais il n'y avait pas aussi le fait qu'une décision serait prise par rapport à un pays. La décision doit être applicable à tous les pays, en fait. En fait, lorsque un tribunal d'arbitrage prend sa décision sur un pays, le pays doit non seulement appliquer la décision, mais il doit aussi payer des compensations lorsqu'il perd. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est assez incroyable, c'est qu'on se retrouve, nous, contribuables, en fait, le budget de notre État part à des multinationales comme Chevron, Eli Lilly, enfin, des grandes entreprises qui ont déjà beaucoup d'argent. Et elles demandent en plus des compensations au-delà des bénéfices qu'elles peuvent perdre. Elles demandent des compensations pour les bénéfices qu'elles auraient attendus et qu'elles n'ont pas eus. Une fois que le jugement est rendu, ça crée une jurisprudence pour d'autres cas dans le futur. Mais si c'était un cas contre la Belgique, ça n'affecterait que la Belgique, par contre. Ok. Quand on parle de ce genre d'arbitrage ou de jugement... si j'ai bien compris, ça existe, tu viens de le dire, ça existe déjà. Est-ce que tu as des exemples concrets d'un cas qui illustre un peu comment ça se passe ? Alors déjà, il faut savoir que c'est un instrument assez néocolonial, finalement, puisqu'il a été créé dans les années 70 par le premier traité qui contient des tribunaux d'arbitrage, c'est un traité entre la Hollande et l'Indonésie en 79. En fait, les Hollandais sont allés investir en Indonésie et n'avaient pas confiance dans les tribunaux locaux. Et donc, on crée cette juridiction parallèle dans leur traité d'investissement. Donc, c'est des traités qui ont été aussi faits par des diplomates. Donc, c'est des traités avec des grands concepts qui, en fait, permettent après aux arbitres de pouvoir interpréter ces concepts comme bon le semble. Donc, les premiers jugements ont été rendus à la Banque mondiale. Il faut savoir que des années 70 jusqu'à 90, on a eu très peu de cas, finalement. Et puis, on a vu des investisseurs se saisir de cette justice et se rendre compte qu'en fait, elle était bénéfique, puisque on non seulement récupérait l'argent perdu, mais on gagnait de l'argent dans ces tribunaux. Donc, on a vu de plus en plus de procédures. Et on a vu aussi des procédures qui sont assez scandaleuses, notamment, par exemple, l'Équateur, où Chevron était en Équateur. Il y a eu une fuite dans un puits de pétrole, dans la forêt amazonienne, dans une zone protégée. Et l'Équateur a demandé, est-ce que Chevron paye pour nettoyer, ce qui est tout à fait légitime. Les poursuites nationales sont allées jusqu'à la Cour suprême équatorienne, qui a toujours demandé à Chevron de payer, qui a réitéré cette conclusion. Donc Chevron est allé à Washington pour mettre l'Équateur en justice, et ils sont en train de gagner. Et donc, en fait, ils gagnent puisqu'ils estiment que ce n'est pas à eux de payer pour les dommages qu'ils ont causés. Et c'est dingue, cette justice, parce qu'on remet en cause la décision de la Cour suprême équatorienne. Et comme on est, en fait, à chaque fois, on se base sur un chapitre des traités qui s'appelle le chapitre investissement, qui donne des droits aux investisseurs. Et on estime que c'est sur ces droits qu'on juge. Et donc on voit très bien que ces droits sont beaucoup trop larges, qu'on donne beaucoup trop de droits aux investisseurs. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'on ne leur donne aucune obligation. Ils n'ont aucune obligation de respecter aucune loi dans ces traités. Ils gagnent que, en fait, ils font que gagner des droits et de l'argent, puisqu'après, ils peuvent mettre en justice. Un autre cas qui est assez emblématique, c'est celui de l'Allemagne, puisqu'en fait, la ville d'Hambourg avait demandé à Vattenfall, qui est une usine, une entreprise énergétique suédoise, qui est très connue en Allemagne, c'est la troisième. Et en fait, Vattenfall construisait au nord d'Hambourg, sur le détroit de l'Elbe, une centrale à charbon pour faire de l'électricité à partir du charbon. Lorsque la nouvelle mairie d'Hambourg a pris ses fonctions, ils ont demandé à ce que l'eau qui sort de cette centrale soit nettoyée une deuxième fois avant d'être rejetée à la mer. Et là, Vattenfall a mis en justice, parce qu'ils ont estimé que leur plan de bénéfice allait être affecté par le fait qu'ils doivent construire une tour pour assainir l'eau qui allait être rejetée. Et Vattenfall a gagné. Vattenfall a gagné dans le sens où la ville d'Hambourg, en voyant les frais d'avocat, a fait marche arrière, a décidé de finalement retirer cette demande. Donc Vattenfall a continué la construction. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que en fait, l'Allemagne ne respecte plus les directives européennes de protection de l'environnement. Parce que le détroit de l'Elbe est de plus en plus pollué, il y a de moins en moins de faune et de flore, et donc l'Allemagne ne respecte pas la directive Habitat de l'Union européenne. L'Allemagne est en train d'être mise en justice par la Commission. C'est assez kafkaïsque, puisqu'en fait, ce sont ce genre de tribunaux qu'on va avoir ensuite. Et je voudrais juste revenir un moment sur le cas Chevron, parce que ce qu'on fait beaucoup chez CIO, c'est qu'on va demander des comptes rendus de réunion entre la Commission et les lobbies. Et on a vu un de ces comptes rendus lorsque Chevron s'est rendu à la Commission. Et Chevron explicite très, très ouvertement à la Commission que pour eux, ces tribunaux d'arbitrage, c'est aussi ce qu'ils appellent un déterrant. Donc c'est vraiment un moyen pour eux de pouvoir aller voir un gouvernement et de dire « Cette nouvelle loi sociale, cette nouvelle loi sur l'environnement, elle ne nous convient pas, nous retrouverons à Washington. » Et c'est important aussi de penser à ça, parce que c'est vraiment... On a tous ces cas qu'on connaît qui sont scandaleux, mais en fait, il y a tous ces cas qu'on ne connaîtra pas parce qu'une entreprise et un cabinet d'avocats se seront rendus dans un gouvernement et auront mis la pression sur le gouvernement pour qu'une loi n'ait pas lieu. Et alors, comment ça se fait que tous ces pays européens disent oui ou s'abstiennent, ou je ne sais pas quoi? Pourquoi est-ce que tout le monde est soi-disant tellement enthousiaste à ça? Puisque c'est clair... Parce que nos entreprises européennes rêvent de mettre en justice les États-Unis et d'avoir des compensations. Parce qu'on estime que si les lois devaient changer aux États-Unis, ça permettrait à nous, enfin, je parle de BNP Paribas, de Deutsche Bank, de toutes les grandes entreprises européennes, pourraient elles aussi mettre en justice les États-Unis si les lois venaient à changer. Et c'est le cas en fait, puisque par exemple sur la réglementation financière, les États-Unis sont allés plus loin que Bruxelles après 2008. Et donc là par exemple, BNP Paribas aurait pu mettre en justice pour une nouvelle loi. Donc ça, c'est aussi un outil pour nos entreprises européennes de faire pression sur le gouvernement américain et de demander des dédommagements. Donc c'est, et puis aussi, il y a d'autres choses de d'autres parties dans le TTIP et dans le CETA où on cherche à ouvrir les marchés, avoir de plus en plus accès au marché public des communes. Enfin, on a aussi notre agenda qu'on appelle offensif, c'est-à-dire on cherche aussi vraiment à défendre les intérêts des multinationales européennes. Ouais. Ok. Bon, ça c'est... L'arbitrage, ça, c'est une chose, parce qu'il y a encore plein d'autres choses, si j'ai compris, notamment sur les normes sanitaires, écologiques. Et puis, quand on entend quasi tout le monde, du côté européen ou même du gouvernement fédéral en Belgique, c'est magnifique parce qu'en fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que ce que tout le monde craint, tu vois, les OGM, tu vois, les hormones dans la viande. Bon, ce sont des exemples, tu vois, que tout le monde répète, bien sûr. C'est peut-être plus intéressant que ça. Alors, dites-nous un peu, est-ce qu'on avait tort d'avoir peur ou... J'aimerais bien avoir tort d'avoir peur. Non, parce qu'en fait, tous ces exemples. Donc, on a beaucoup parlé donc, du poulet lavé au chlore, des hormones dans le bœuf, des OGM. En fait, ces exemples-là, on ne les a pas sortis de notre imagination. Elles viennent des précédents à l'Organisation mondiale du commerce. C'est le genre de plainte que des États comme le Canada ou les États-Unis ont déjà déposé contre l'Union européenne. Donc, c'est le genre de ce qu'ils appellent une barrière au commerce qu'estiment le Canada et les États-Unis. Donc, pour le moment, la seule façon pour le Canada et les États-Unis de se plaindre, c'est d'aller à l'Organisation mondiale du commerce, porter plainte et demander soit des compensations, soit un changement de loi. Et ce qu'on a vu, c'est que sur les OGM, on n'a pas réussi à faire changer l'Union européenne et que sur d'autres sujets, non plus. Et donc là, avec un tribunal d'arbitrage, on peut faire changer l'Union européenne, étant donné qu'elle va devoir payer énormément d'argent. Et en plus de ça, on a une procédure qui s'appelle la coopération réglementaire, qui va obliger en fait la Commission européenne à consulter le gouvernement américain ou canadien avant d'élaborer une loi. Donc là, on imagine déjà toute la pression des lobbies et des gouvernements avant l'élaboration d'une loi. Et une fois que la loi sera passée, on aura en plus les tribunaux d'arbitrage. Donc on a vraiment, c'est comme deux pistolets en fait, qui sont vraiment des armes pour pouvoir faire pression pour contre toute loi en fait qui protégerait la santé ou l'environnement et qui porterait atteinte au bénéfice des multinationales. Moi, je voulais poser une question je veux dire, est-ce que au Canada, parce qu'au Québec, par exemple, ou en Saskatchewan, ou plein de provinces canadiennes, il y a quand même des opposants à cette loi, parce que bon, les Québécois, ils font du fromage, ils font du vin, je parle du Québec parce que je connais un tout petit peu, mais il y a quand même des bio, des gens qui veulent se battre là-dessus. Est-ce que vous avez rencontré ces gens-là? Parce que je pense que tout le Canada n'est pas non plus pour cette libre-échange. Ah non, bien sûr que non. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont là cette semaine à Bruxelles. On les voit régulièrement, on organise beaucoup de webinaires, donc de formations en ligne, où ils nous expliquent leurs préoccupations. On parle énormément avec les Canadiens, et de fait, on a des positions communes, on a des publications qui sont faites en commun avec eux. Et du côté canadien, on a des oppositions des syndicats, des agriculteurs, surtout les producteurs de lait. Mmh. Et on a énormément d'organisations environnementales au Canada qui soutiennent nos campagnes, et on soutient leurs campagnes également. Après, l'espace politique est un peu plus compliqué en ce moment au Canada. Avant, on avait Harper, maintenant on a Trudeau. Et ce sont deux personnes qui sont vraiment très, très pro-libre-échange. Et donc, ces organisations, même si elles mettent la pression... Harper était vraiment libre-échange. Trudeau, bon, ça fait un an seulement. Aujourd'hui, ça fait un an qu'il président. Il est quand même très, très, très libre-échange. Hein. Ouais, très, ah oui, très... non, mais son parti, c'est un parti libéral. Mais au niveau de comment ça s'appelle, c'est vrai qu'il faut noter... C'est qu'au Québec, il y a un premier ministre qui est très libéral, quoi. Qu'avant, c'était un peu moins libéral. Philippe Crouillard, il est très, très libéral, quoi. Mais au-delà de libéral ou pas, il faut savoir que Mme Freeman, elle est venue cette semaine au Canada mettre la pression à la Wallonie sous mandat de Trudeau. Oui, parce que c'était fédéral. Moi, ce que je veux dire, c'est au niveau du Québec et certaines provinces canadiennes sont pas forcément. Il y a pour le Saskatchewan, mais je dirais plutôt dans les cantons de l'Est, c'est-à-dire New Brunswick, toutes ces provinces qui sont un peu moins, faire un traité absolument, quoi. Oui, non, au niveau provincial, ça n'a pas toujours d'acceptation. Il faut savoir aussi que le Canada a signé déjà un accord avec les États-Unis et le Mexique, l'ALENA, qui a plus de 20 ans maintenant, et a signé aussi d'autres traités. De ce genre, le Canada a été poursuivi 37 fois en justice dans les tribunaux d'arbitrage, et ils ont dû payer plus de 171 millions de dollars américains. C'est énorme. Ouais. Et donc, le Canada... tout ça, c'est de l'argent public. Quand je parle de 171 millions, c'est de l'argent public qui a été versé à des multinationales depuis le budget fédéral canadien. Ouais. Donc, il y a forcément une opposition au niveau du Canada, puisque les Canadiens savent très bien ce que ça veut dire qu'un traité de commerce. Ouais, ça fait plus de 20 ans qu'ils le vivent. Je vais rebondir par rapport à ce que tu viens de dire avec le Canada et l'INA. L'INA. J'ai vu cette semaine, en fait, un truc très intéressant. Au Canada, en fait, Caterpillar, ils avaient une usine. Et cette usine, en fait, les dirigeants voulaient diminuer leur salaire de 50%. 50% carrément. Donc tout le monde a refusé. Eh bien, ils ont déménagé l'usine aux États-Unis. Mais ils ont vu, en fait, qu'aux États-Unis, sans souci, quoi. Donc on déplace tout là-bas directement. Et aux États-Unis, en fait, ils se sont rendus compte que les salaires étaient encore trop élevés pour Caterpillar. Et quelques années après, mais vraiment un truc très court, hein, ils ont été mettre au Mexique. Parce que là-bas, les salaires étaient encore vraiment moins. Et c'est ça qui risque d'arriver, en fait, c'est ça. Et quand il y aura un mur au Mexique, comment y rentreront les camions et tout ? Les camions peuvent toujours passer. Ouais, bon. C'est ça, en fait, le souci, parce que ça a vraiment créé une compétition, en fait, entre le Canada, le Mexique et les États-Unis, à quel pays offrira les meilleures conditions sociales et environnementales aux multinationales. Et ce qu'on a vu, c'est un déplacement des grandes entreprises vers le Mexique. Obama, quand il a fait campagne, il est allé dans l'État d'Ohio et il a avoué que l'ALENA avait fait perdre 1 million d'emplois. Et dans sa campagne électorale, il disait qu'il ne ferait plus aucun traité de libre-échange. Et quand il est arrivé au pouvoir, il a commencé les négociations avec l'Europe ainsi qu'avec l'espace pacifique. Donc la perte d'emploi, elle est reconnue. Et de fait, elle vient du département du travail américain. Puisque dans l'ALENA, il y avait une note qui demandait au ministère du Travail de comptabiliser le nombre d'emplois perdus. Et d'après ce même ministère, on est à 700 000 aux États-Unis. Et au niveau du Mexique, c'est les emplois agricoles qu'on a perdus. Il y a plus 1 million d'agriculteurs mexicains. Sauf qu'un agriculteur mexicain, c'est pas qu'un agriculteur chez nous. Un agriculteur mexicain, c'est quelqu'un qui mange grâce à son travail, qui ont perdu leur travail ainsi que leurs moyens de se nourrir et qui se sont retrouvés dans les grandes villes dans des bidonvilles, à essayer de travailler dans l'économie informelle comme ils pouvaient. Et c'est ça aussi l'ironie, c'est que le Mexique est un pays dont la culture est née du maïs, qui en fait a perdu cette culture du maïs, puisque le maïs subventionné est arrivé des États-Unis moins cher que le maïs produit au Mexique. Et ça, c'est ce qu'on risque de voir après en Europe. C'est une certaine division où des pays vont devenir des États pauvres où on va aller implémenter nos usines. Donc là, on pense à la Roumanie, à la Pologne, etc. Et d'autres pays qui seront des pays agricoles, qui exporteront à tout va. Donc là, on pense plus à l'Italie, Portugal, l'Espagne. Et donc, en fait, on va diviser encore plus l'Europe entre pays pauvres et pays riches. Mais aussi, on va perdre notre souveraineté alimentaire. Et on va être très dépendant aussi d'autres pays. Mais aussi, il faut savoir qu'avec le changement climatique, c'est dangereux d'être autant dépendant de 3 ou 4 pays producteurs en Europe. On passe une petite musique pour prendre la laine. Oui, donc, comme le sujet de notre ami discothèque, donc c'est un peu de musique classique aujourd'hui, alors, c'est ça ? Comment ? Un peu de musique classique, alors. On fait musique classique, genre cathédrale. Thank you. Nous revoilà. On est toujours sur le tranche d'anard. On est toujours sur le tranche d'anard, bien sûr. Je voulais poser une question. Là, en Belgique, il y a une opposition, mais je voudrais savoir, en Europe, il y a quand même des partis politiques ou des groupes, des associations qui ne sont pas d'accord avec ça. Oui, heureusement. Oui, alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de syndicats à travers l'Europe qui sont contre, ainsi que beaucoup d'associations de la société civile. Les pays où l'opposition citoyenne est la plus grande, c'est notamment l'Autriche et l'Allemagne, mais qui ne sont pas forcément suivis par le gouvernement. L'Autriche est intéressant parce que l'Autriche, on a vu le chancelier autrichien refuser de signer le CETA quelques semaines avant le Conseil européen. Puis il a reçu une déclaration qui devait l'apaiser dans ses préoccupations. Et puis finalement, il a accepté en disant qu'il ne signerait plus jamais de mandat à la Commission pour des traités de commerce, qu'il n'était toujours pas d'accord avec les tribunaux d'arbitrage, mais que la pression européenne était trop forte, et donc il a changé d'avis, ce que n'a pas fait le président de la Wallonie. Il faut savoir que suivant les pays, l'opposition est différente. Elle vient souvent de la gauche plutôt, on pourrait dire, extrême, même si le mot n'est pas forcément approprié. Et hélas, dans certains pays, l'extrême droite aussi. Elle est politique, mais aussi on la voit qu'elle est un peu culturelle, dans le sens où dans les pays du Nord, dans les pays scandinaves, c'est très difficile pour les gens qui font campagne contre ces traités, puisque en fait ce sont des pays qui sont construits sur le commerce, et remettre en question les traités commerciaux, ça passe pas du tout culturellement en fait. Alors qu'en fait c'est pas vraiment le commerce en lui-même qu'on remet en question, c'est les structures qui sont d'ailleurs antidémocratiques, que créent ces traités. En Europe de l'Est, la question, elle est plus par rapport à la Russie. C'est-à-dire que les personnes qui vont s'opposer au TTIP et au CETA vont être vues comme pro-russes ou d'anciens communistes et donc ont aussi beaucoup de mal à créer vraiment un débat sur ces traités. Et par contre, dans le sud de l'Europe, on voit notamment en Italie, en Espagne ou en Grèce, par contre, un mouvement qui prend plus forme parce que là, on est dans des pays qui comprennent très bien ce que c'est que l'austérité, la perte d'emploi et qui se sentent faibles dans l'Europe et qui se sentent aussi qu'ils vont devenir plus faibles. C'est ce qu'on voit par exemple dans des pays comme la Slovénie, qui en fait a fait une étude de l'impact du TTIP sur son pays et qui a découvert qu'il y aurait beaucoup d'emplois perdus en Slovénie. Donc là, le gouvernement a commencé à poser des questions. Donc c'est à peu près ce qu'on voit en Europe. Bon, après, il y a des pays où il y a une opposition citoyenne, comme le Royaume-Uni, mais ça, Theresa May ne changera pas d'avis, elle est toujours pro-libre-échange, pro-traité de commerce. Mais la Grèce, par exemple, qui est un gouvernement de gauche. Quelle est sa position de la Grèce ? Alors la Grèce, quand elle arrive au Conseil de l'Europe, en général, elle se tait. Ah bon. Et quand elle veut dire non, on finit par la faire dire oui, comme on l'a vu cette année. Il faut savoir qu'en fait, la Grèce a beaucoup à perdre de cet accord. Elle en est consciente. Sauf qu'elle n'a pas le courage de s'opposer dans un Conseil européen. Et que les représentants de la Grèce nous ont toujours dit « on s'opposera, mais seulement si on est les 3, 4e ou 5e à s'opposer ». Mais ils n'ont pas, le rapport de force en fait est trop en leur défaveur pour pouvoir s'opposer à un traité de commerce. Ah, et les pressions de l'autre côté sont importantes, comme on a pu le voir avec la Wallonie. Oui, c'est assez étonnant. Et ce que j'ai lu dans le journal, c'est qu'en fait, au Parlement wallon, entre autres, enfin, notamment... En fait, il y a eu tout un travail de préparation, d'essayer de s'approprier du sujet. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu plus de ça ? Et est-ce que c'est peut-être une des raisons pour laquelle elle a tenu bon, la Wallonie ? Oui, c'est tout à fait le cas. En fait, c'est un travail commun dans le sens où il a été fait au Parlement wallon, il a été fait dans la société civile et dans plein de parties de la société civile. La Belgique, c'est un des premiers pays où les petites et moyennes entreprises se sont opposées au TTIP. Ça fait déjà plus d'un an, c'est l'union des classes moyennes. Et ça, c'était très important dans la campagne parce que là, en fait, l'argument économique ne valait plus. Si une petite et moyenne entreprise, qui sont tout de même le plus gros employeur de Belgique, s'opposait à ce traité, alors les politiques ont commencé à écouter. Ils ont écouté parce que pour une fois, c'était pas les gauchistes jamais contents avec rien qui parlaient. C'était les petites et moyennes entreprises qui s'opposaient. Donc là, ça a ouvert le débat, ça a ouvert un champ pour pouvoir débattre. Ensuite, on a eu des personnes parfois universitaires, parfois centristes. Je pense par exemple à Monsieur Defraigne, mais à d'autres personnes qui ont commencé aussi à s'exprimer contre. Donc là, il y a eu un intérêt de la classe politique sur le sujet. Et à partir de ce moment-là, le Parlement de la Wallonie a fait des auditions. Ils ont auditionné des mutualités, des associations pour le développement, des associations de consommateurs. Et en fait, d'amener ces associations et tous ces organismes à être auditionnés dans le Parlement wallon a obligé ces organisations à s'intéresser au sujet. Et donc il y a eu une coalition qui s'est créée petit à petit, puisqu'en fait les gens se sont regroupés, principalement autour du CNCD, qui avait une personne qui connaissait très bien le sujet, ainsi que le CEPAC, Bruno Poncelet, qui était aussi très fort sur le sujet. Donc il y avait vraiment deux experts qui ont vraiment travaillé ensemble pour faire diffuser l'information. Et ensuite, chaque organisation l'a adaptée. Donc j'ai fait des débats avec des gens qui viennent de mutuelles, chrétiennes, socialistes ou libérales, qui connaissent très bien le chapitre service public du CETA, qui est certainement un des chapitres les plus indigestes que j'ai jamais ouvert de ma vie. Après, lorsqu'on parle à Greenpeace ou à d'autres associations d'environnement, elles se sont vraiment pris, elles ont pris conscience des problèmes que ça peut poser sur le principe de précaution, sur aussi tout ce qui est pollution, transport, etc. Donc en fait, c'est vraiment ce qui a fonctionné, c'est qu'il y a eu des expertises qui ont été partagées et puis que chaque organisation l'a adaptée à son public, en fait, finalement, à son centre d'intérêt. Et donc le Parlement a commencé, le Parlement wallon, ses auditions il y a un peu plus d'un an, quand le texte a été public, pour connaître sa position. Et ensuite, ce qu'il a fait, c'est qu'il a retiré, déjà, il y a plus d'un an déjà, le droit à la Belgique de pouvoir s'exprimer à l'Europe sur ce traité. De là, s'en est suivi des motions au Parlement de Bruxelles, en communauté francophone, en communauté germanophone. Et donc, beaucoup de gens, ça fait plus d'un an qu'ils lisent ce traité. Et ce qu'on voit en général dans ce traité, c'est lorsqu'on s'y oppose, en face de nous, on a des personnes qui remettent toujours en question notre parole. Donc en fait, quand on s'exprime sur ces traités, en général, on entend très vite « vous êtes anti-américain, vous comprenez rien, vous êtes anti-commerce ». Et donc, il a toujours fallu que le Parlement wallon et les autres organisations de la société wallonne se justifient. Et donc elles se sont vraiment appropriées les sujets. Mais ce qui est assez intéressant... on a vu à comment ça s'appelle, à Télé Bruxelles, qui s'appelle plus Télé Bruxelles, maintenant c'est XX, je ne sais pas quoi. Et il y avait De Wolf, qui est le bourgmestre de Etterbeek, qui avait un discours assez fou en disant non, il faut aller dans le libre-échange parce que ça va nous amener plein d'intérêts. On va vendre toute l'agriculture wallonne, on va la vendre aux Américains et aux Canadiens. Et c'était assez fou. Mais c'est le MR, parce que Didier Reynders, qui est quand même le ministre de comment ça s'appelle, ministre des Affaires étrangères, lui, il pousse un maximum, quoi. Et c'était, mais j'ai vu le comment s'appelle à la télévision, c'est complètement fou. C'était qui disait presque les comment s'appelle le gouvernement wallon est rétrograde et des choses comme ça. Ah oui, les accusations sont assez fortes. Moi, on m'a déjà dit que j'étais une hooligan anti-académique. Et donc, c'est aussi ces accusations fortes, souvent sans preuves, études, recherches derrière, qui ont aussi poussé à ce que la contestation soit de plus en plus forte, puisqu'on a toujours dû sortir des preuves. Et donc, on a toujours dû lire et relire ces traités, consulter des avocats. Et donc, nos arguments sont devenus beaucoup plus forts que les leurs. Et on nous dit souvent, vous avez créé un débat émotionnel, un débat... Nous, on n'a pas créé un débat émotionnel. On a mis des messages simples dans l'opinion publique pour attirer l'attention. Et ensuite, lorsqu'on a eu cette attention, on est vraiment rentré dans le cœur du sujet. Et c'est vraiment le travail qu'a fait, par exemple, le Parlement wallon. Sachant aussi, dans une note un peu plus personnelle, que M. Magnette connaît très bien les traités de libre-échange, puisqu'il était universitaire il y a plus de 10 ans à l'ULB à Bruxelles, et qu'il travaillait sur les termes de commerce et de politique américaine. Donc on a aussi ce bagage derrière lui qui lui permet aussi d'avoir des outils. Mais je crois que surtout, c'est que la droite est tellement, tellement libérale, c'est ça le problème. Parce que Didier Reynders, c'est un libéral, un libéraux libéral. Absolument libéral, absolument sous toute épreuve, quoi. Comment on peut discuter avec un ministre comme Didier Reynders ? Mais il y a pire, hein. Quand le ministre-président flamand, M. Bourgeois, Oui, bourgeois, il n'est pas dit mal. Que le PS préfère d'exporter des armes à l'Arabie Saoudite plutôt que d'exporter des pommes et des poires au Canada. Ouais. C'est vraiment n'importe quoi. Et du coup, Non, mais les Canadiens, ils font des très bonnes poires, ils font des très bonnes pommes. Ils en font des milliers de tonnes. Oui, mais le problème, c'est qu'on a un embargo vis-à-vis de la Russie. Ouais. On exportait énormément de pommes, notamment des pommes et des poires en Russie. Et maintenant, c'est fini, quoi. Il y a un problème. Et en plus, on parlait c'était un peu le scandale aussi en Flandre la semaine passée, avec, je ne sais pas, 25 000 tonnes qui ont été retirées du marché, de pommes et de poires, parce que, pour protéger les prix notamment. Ouais. Et que, par après, ils disaient que c'était jeté. Et puis, la ministre était très fâchée, parce que non, c'est pas jeté, parce qu'on va l'utiliser pour fertiliser les champs, et des choses comme faire ça. Faire du cidre. Ça serait une bonne idée, ça. Bon, mais est-ce que tu es au courant un peu comment ça s'est passé du côté flamand, en fait ? Non, pas bien. Je sais qu'on a eu du mal à accéder à la société civile flamande et que beaucoup de communication s'est faite en français. Ensuite, on a vu donc, des agriculteurs... Ce qui est assez marrant, en fait, ce qu'on voit dans les demandes de Reinders par rapport à là, ces derniers jours, elles sont les tribunaux d'arbitrage, qui est, en fait, c'est centralisé des organisations comme nous, le CNCD et d'autres organisations, sur les services publics qui viennent des syndicats et sur l'agriculture qui viennent des agriculteurs. C'est vraiment les trois gros acteurs qui ont fait pression sur le Parlement wallon. Et ces agriculteurs, à maintes reprises, sont allés voir les agriculteurs néerlandophones, puisque beaucoup sont bilingues, en leur expliquant ce que cela veut dire pour eux. Et on a vu beaucoup d'associations néerlandophones nous dire « Oui, mais si le gouvernement flamand pense que c'est une bonne chose pour nous, on suivra. » Je pense qu'on a peut-être pas, on n'est pas assez parlé en flamand dans ces endroits. On n'a pas assez traduit tout ce qu'on a fait non plus. Mais malgré tout, ce qu'on a vu et ce qui était vraiment une belle victoire par rapport à d'autres événements passés, c'est qu'au mois de septembre, ce 20 septembre, quand il y avait 15 000 personnes dans la rue à Bruxelles, on avait vraiment... Des associations néerlandophones, on avait vraiment... c'était assez bilingue et assez... C'était vraiment belge, en fait. Et ça, c'était une belle victoire de voir que, dans le monde flamand aussi, les choses commençaient à changer. Oui, sauf que ça n'a pas... Ça ne s'est pas diffusé dans la société comme du côté wallon, je pense. Tu vois, c'est un début, et c'est des associations ou des organisations, mais vis-à-vis de leur base, je ne pense pas que mais ça peut-être a vraiment... que dans certains... Ça se quand même parce qu'à Hart Bovenhart, le mouvement Tout Autre Chose, son équivalent, ils ont quand même parlé, diffusé plein de choses sur TTIP. Et en plus, j'ai vu, c'est vrai, dans la dernière manif, il y avait quand même 11-11-11, qui est quand même dans les deux côtés. Donc il y avait quand même aussi des associations francophones dans le fond. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins... il n'y avait pas vraiment des... Je sais pas, mais j'ai quand même vu des militantes néerlandophones jeunes, des étudiantes qui étaient aussi à Bruxelles, tu vois, il faut... Mais c'était les jeunes à Bruxelles peut-être, mais c'est aussi néerlandophone, tu vois, mais allez, je ne pense pas qu'il y a eu rien non plus. Je ne sais pas qu'il y a rien, mais... je dis juste qu'il n'y a pas une surface de soutien dans la population ou dans l'opinion publique au même niveau du côté francophone que néerlandophone. Oui, mais parce que c'est, comment ça s'appelle, c'est le problème du... du gouvernement flamand, c'est pas les gens de Flandre, c'est le gouvernement flamand qui a pris une position bien précise. Et je voudrais poser la question, est-ce que les néerlandophones, non, les néerlandais en Hollande, quelle est leur position quand même? Parce qu'il y a beaucoup de, comment ça s'appelle, de paysans, de gens, et je voudrais bien savoir... Comment, quelle attitude ils ont par rapport à ce traité ? Mais la Hollande, c'est un très bon exemple, et c'était une de nos premières mini-victoires, finalement, puisque c'est quand même le pays qui a créé ces tribunaux d'arbitrage. C'est le pays le plus libéral et pro-libre-échange qu'on peut avoir en Europe. C'est le pays qui avait aussi la présidence de l'Europe l'année dernière, au deuxième semestre. Et ce qu'on a vu, c'est que, en fait, un humoriste hollandais a repris une chanson d'ABBA à la télé un samedi ou un dimanche soir, enfin une période de forte audience, et cette chanson a beaucoup marché. Et donc de là, les gens se sont demandé qu'est-ce que le CETA, qu'est-ce que le TTIP, et le sujet a explosé. Et en fait, la chance qu'on avait à ce moment-là, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations internationales basées en Hollande, notamment Transnational Institute, SOMO, mais d'autres. Et en fait, on avait des experts qui ont été capables de réagir tout de suite avec des arguments très forts et beaucoup de faits et d'exemples, tout ce que ça voulait dire le TTIP. Et donc, un débat s'est instauré. Et en fait, la Hollande a failli demander, le Parlement hollandais a failli demander à la Cour européenne de justice si les tribunaux d'arbitrage étaient légaux. Et en fait, ça, le Parlement était pour, la majorité là, était là au niveau du Parlement hollandais, mais la ministre en charge, donc en Hollande, c'est commerce et développement, à ce moment-là a fait tomber cette résolution du Parlement, puisque la Hollande avait la présidence de l'Union européenne et qu'elle ne voulait pas, en tant que présidente, faire ce pas. Mais dans un autre contexte, on aurait pu voir la Hollande, finalement, remettre en question la légalité des tribunaux d'arbitrage. Ce qui nous aurait fait gagner du temps, puisqu'on aurait dû attendre la décision de la Cour européenne de justice, et ce qui aurait été un symbole très important, parce qu'il faut savoir que jusqu'à présent, le droit européen, lorsqu'il est mis en question, la seule Cour qui peut l'interpréter, c'est la Cour européenne de justice. Avec les tribunaux d'arbitrage, demain, il y aura une deuxième institution qui pourra interpréter le droit européen. Ça sera une institution privée basée à Washington. Moi, je veux revenir parce que moi, j'ai vu un truc cette semaine. Si le Canada, en fait, était envahi de produits européens, ils avaient le droit de stopper, en fait. Mais dans le sens contraire, il n'y avait aucune garantie. Alors, en fait, il y a un système de quotas. Et passé un certain quota, le Canada peut demander... est-ce que les imports soient plus taxés ou au moins diminués. Mais bon, le quota est assez élevé, hein, malgré tout. Et nous aussi, on a mis des quotas, aussi des conditions. Sauf que nous, on l'a fait différemment. C'est-à-dire que le Canadien a mis un maximum de ce qu'on pouvait exporter dans certains secteurs. Et nous, on a mis des conditions. Par exemple, la viande qu'on va recevoir du Canada, normalement, ne devra pas avoir d'hormones. Sauf qu'on n'aura pas le droit de le vérifier. Tout ça, c'est le problème, quoi. C'est le problème de comment s'appelle, des Américains et des Canadiens. C'est-à-dire qu'ils exportent, mais on va pas dire ce qu'il y a dedans, quoi. Mais le souci, c'est pas juste Canada-États-Unis, c'est un modèle agricole, ouais, qui vient des États-Unis, qui est industriel, qui s'est propagé au Canada, et qu'en fait, on cherche à propager en Europe. Quand on voit ce qui se passe en France ou dans d'autres pays, on a des fermes de plus en plus grandes, de plus en plus industrielles. Donc en fait, ces traités, c'est continuer ce qu'on fait déjà en Europe, sauf qu'on n'aura plus aucun moyen de lutter ensuite. Ouais. Ouais. Ça va être des cold causes. Mais lorsqu'on parle des pommes et des oranges, et ces pauvres agriculteurs qui ne peuvent pas exporter... Plutôt que penser la question de cette façon-là, on doit se demander pourquoi on produit trop et pourquoi on produit trop avec des agriculteurs et des éleveurs qui ne sont pas toujours dans des conditions de travail faciles et qui ne gagnent pas forcément bien leur vie. Donc il y a tout un modèle d'agriculture à revoir. Parce que finalement, si on continue à exporter plus et plus, on continue un modèle qui est mauvais pour l'environnement, qui ne bénéficie pas forcément aux agriculteurs et qui ne nous donne pas une alimentation de qualité. Donc il y a un problème avec le modèle agricole qui est basé sur l'exportation et la surproduction. C'est là vraiment la question. C'est pas si CETA va aider ou pas les producteurs de pommes et de néerlandais. Et avec ces traités, tout ce qui est production locale, bio, machin et trucs comme ça, qu'est-ce qu'il en advient ? Et ben, si demain on avait des subventions, des subsides, pardon, vous rencontrez que je suis française, ou si on aurait des politiques publiques qui donneraient faveur en fait à des producteurs locaux plutôt qu'à d'autres, ça serait compliqué à justifier. Et en plus, ça serait remis en question possiblement dans les tribunaux d'arbitrage. Donc on imagine ça, pas pour le CETA, mais pour le TTIP. Si on imagine que demain, la commune de Bruxelles choisit un fournisseur qui soit plus cher, mais qui respecte plus de conditions sociales et environnementales et qui soit local, ceci, ça pourrait être mis en question. Puisqu'on est par les tribunaux d'arbitrage. Oui. Puisqu'en fait, les traités demandent une ouverture des marchés publics. Donc c'est la mort des petits producteurs locaux et des choses comme ça. Là. Oui, et des deux côtés. Parce qu'en fait, on voit souvent les États-Unis comme des grandes multinationales, etc. Mais on a eu des lois aux États-Unis après 2008 où les communes ont cherché à recréer en fait une économie locale pour recréer de l'emploi. Et il y a des lois qui protègent ces marchés. C'est-à-dire que la ville, par exemple, de Portland ou celle de Chicago... peut faire en sorte que ces cantines soient alimentées que par des produits locaux ou que ces fournisseurs soient que locaux. Donc il y a une certaine protection des marchés publics américains et ça, par exemple, c'est quelque chose que l'Europe veut détruire. On pense notamment à la Sodexo, à Suez Environnement, enfin toutes les grandes multinationales qui cherchent à accaparer les déchets, l'eau, tout ce qui est catering, etc. Donc ça, les États-Unis parfois sont pas très ouverts en fait à d'autres entreprises et protègent leur économie locale. Et ça, ça va exploser avec le TTIP. C'est vraiment ça, c'est l'intérêt primaire des Européens, c'est d'aller exploser les marchés publics américains. Et les nôtres sont déjà très ouverts, mais ils seraient encore plus ouverts. Et c'est un dumping social aussi, parce que évidemment, quand il y a le marché qui va être ouvert mondialement, enfin, surtout ici, les salaires vont devoir aussi diminuer, parce qu'il faut se mettre au même diapason que les autres. En fait, c'est un dumping en général. C'est vraiment... En Europe, on met déjà en compétition les pays entre eux. On a un Parlement européen qui essaye quand même d'avoir un minimum de nivellement au niveau de l'Europe. Mais là, on mettrait en compétition l'Europe, le Canada, les États-Unis, sans avoir de nivellement possible, puisqu'en fait, les gens qui définiraient les conditions minimales, ce seraient des gens qui penseraient qu'avec des commerces, des gens qui ne sont pas élus. Mais au final, c'est ça, on va mettre en compétition les pays qui vont devoir encore plus baisser leurs normes ou leurs impôts pour pouvoir attirer l'investissement. Excusez-moi. Non, où on fait un petit pause musique, mais je voulais aussi savoir un peu plus sur CEO, parce que tu travailles pour CEO, Corporate Europe Observatory, donc parce que tu as parlé beaucoup, mais concrètement, comment est-ce que vous êtes demandé pour venir parler, expliquer, même en parlant wallon, allez, toi, comment ça fonctionne, c'est vous, comment vous faites vos campagnes, et tous ces aspects-là, tu vois où, et votre rôle vraiment dans tout cet enjeu. Mais on travaille, on se dit chercheur militant. Donc il y a une partie de ma journée où j'ai la chance de lire les traités indigestes, les chapitres investissement, des choses comme ça, pour essayer de vulgariser ce savoir qu'on peut avoir sur les tribunaux d'arbitrage, par exemple. Et donc on le vulgarise de façon à... On crée des événements publics. On crée des publications, on a déjà été auditionné, j'ai été auditionné à la communauté française, au Parlement. Dès que je suis invitée à parler dans n'importe quel débat public, j'y vais avec plaisir. On a aussi, parfois on donne cours, j'ai déjà donné cours sur les tribunaux d'arbitrage à l'UCL ou à l'ULB ou à Saint-Louis. Donc il y a tout ce côté public, vulgarisation. Ensuite, on utilise pas mal les réseaux sociaux aussi pour essayer de faire parler. Et puis, il y a un côté aussi mobilisation, action, parce qu'on estime qu'il y a plus de 1500 villes et communes européennes qui sont hors TTIP, hors CETA. C'est énorme. Il y a 3,5 millions de citoyens européens qui ont signé une pétition en ligne en un an contre le TTIP et le CETA. C'est la population de la Wallonie. Et toutes ces pétitions et toutes ces déclarations qui ont été faites par des maires comme... C'est la maire de Barcelone, c'est le maire de Marseille, c'est des grosses villes, c'est des personnes politiquement qui sont influentes, ne font pas changer la commission. Donc au bout d'un moment, on est allé aussi plus loin, et CEO avec d'autres organisations, on lançait par exemple les TTIP Game Over, où là on va soutenir une mobilisation, une désobéissance civile, non violente, mais de façon à montrer que c'est pas possible ces traités-là. Et en fait, c'est incroyable dans la résistance de la Wallonie, parce que ce qu'on a vu quand même en Wallonie, il faut savoir que Magnette a reçu des lettres qu'il nous a transmises où les investisseurs canadiens lui disaient qu'il n'investirait plus jamais au Canada. Il a eu des pressions par rapport aux subsides européennes, on lui dirait que plus jamais la Wallonie recevrait des subsides, notamment dans tout ce qui est culture, infrastructure, etc. Et donc on voit ce rouleau compresseur antidémocratique qu'est l'Europe. Et CEO cherche vraiment à vulgariser et montrer ce rouleau compresseur, mais aussi le dénoncer, puisque c'est impossible de voir ça tous les jours et de pas soutenir les mouvements sociaux et d'aller plus loin dans la résistance. Thank you. Nous revoilà de nouveau. Il y a un côté qui nous intéresse beaucoup aussi, c'est notamment le côté de démocratie, la place de la démocratie en Europe. On connaît les référendums qu'on a eus après le traité de Lisbonne, par exemple, en France, aux Pays-Bas. Puis les Irlandais qui ont dû voter plusieurs fois non avant de se réaliser, en fait, que c'était oui. Tu vois, ça, c'est bizarre. Quand on dit non, on refait un référendum. Mais quand on dit oui, on ne refait plus, en fait. Et je pense que là, on voit un peu un changement dans la tendance. Tu vois, apparemment, il y a quelque chose sur la souveraineté, où il y a des sensibilités, et à gauche, et à la droite. Notamment, on a eu le Brexit récemment, donc, qui est une grande défaite, en fait, pour l'Europe, pour les élites européennes. Vraiment une grande défaite. Bon, le débat était vraiment toxique, il faut le dire, tu vois, avec des arguments, avec le scaremongering, tu vois, donc on faisait peur aux gens, blablabla. Puis par après, on a eu le référendum en Hongrie, tout à fait autre chose, un référendum organisé par l'extrême droite sur les quotas de répartition des réfugiés en Europe. Les gens ont voté non, mais bon, ils n'étaient pas suffisamment nombreux pour que ce soit valide. Mais c'est quand même de nouveau quelque chose qui se tourne contre l'establishment européen. Et maintenant, la Wallonie, qui fait quelque chose de magnifique, c'est son débat toxique ou un truc d'extrême droite d'exclure des migrants. En fait, ils ont étudié la question. Il y a eu des mouvements sociaux. Il y a eu le débat et en conscience de cause, on a dit non. Et là, tu vois un peu, peut-être un début, enfin, on peut espérer un début de remettre la démocratie, de faire valoir la démocratie comme il faut, en fait. Et là, c'est un peu une tendance qui va à l'envers. Et qu'est-ce que tu penses de ça, en fait? Mais il y a clairement un mépris démocratique à l'Europe. Il y a un mépris démocratique, en effet, quand la France vote non contre le traité constitutionnel, on le fait quand même. Et c'est parce que ça montre aussi l'isolement des décideurs européens, finalement. L'isolement qu'on voit même à Bruxelles, de façon géographique. Ils vivent dans une bulle, ils travaillent dans une bulle, ils ont très peu de liens avec la vie politique belge. Et ce sont des gens qui, souvent, ont étudié dans les mêmes écoles, vivent ensemble et se marient ensemble. Et finalement, c'est vraiment une bulle de personnes privilégiées qui n'ont pas vraiment conscience de la réalité et qui se sentent experts et qui ne comprennent pas pourquoi les gens ne le sont pas et ne sont pas d'accord avec eux puisqu'ils sont experts. Donc il y a vraiment cette culture-là en Europe qu'on voit. Et en fait, ça a été un peu une onde de choc pour eux, le Brexit, puisqu'ils se sont dit « Ah mince, en fait, tout le monde n'est pas d'accord avec nous. » Et pourtant, c'est des gens qui pensent avoir le savoir et savoir ce qu'ils veulent. Il faut savoir que la Commission sait depuis plus d'un an que la Wallonie n'a pas donné le pouvoir à la Belgique de signer. La résolution date de plus d'un an. C'est pas la seule, la Wallonie. Il y a une résolution au Parlement de Bruxelles, une résolution en communauté francophone et une résolution en communauté germanophone. Donc la Commission sait depuis plus d'un an qu'elle risque d'avoir des problèmes. Sauf qu'elle s'est vraiment inquiétée de la Wallonie le moment où il fallait signer et que Reynders a dit à la Commission « Je ne peux pas. Je n'ai pas les pouvoirs des parlements pour le faire. » Mais avant ça, la Commission, elle n'en avait rien à faire. Et ça montre vraiment, en fait, ce dédain complet pour la démocratie. Et c'est, en fait, cette bulle de technocrates experts qui pensent détenir le savoir et qui ne consultent pas et n'écoutent pas. Et donc, c'est un symptôme. Après, l'Europe, maintenant, elle a le choix. Soit elle se regarde en face et elle se dit, bon, il y a eu le Brexit. Maintenant, on se pose des questions sur le CETA. Peut-être qu'il faudrait faire les choses d'autre façon. Soit elle continue ce rouleau compresseur et la Wallonie, c'est que le début. Puisqu'en fait, il est beaucoup trop antidémocratique et il est de plus en plus connu, ce rouleau compresseur. Et il a commencé dès la Grèce. Il ne faut pas oublier qu'en juillet, Varoufakis et Tsipras, on l'a fait tenir toute une nuit jusqu'à 10h le lendemain matin, jusqu'à temps qu'il dise oui. Dans une institution, le Conseil, dont on ne parle pas assez, le Conseil, en fait, c'est les chefs d'État qui se rencontrent. C'était ce qui s'est passé à Bruxelles donc aujourd'hui et hier. Ces chefs d'État, ils se rencontrent, ils négocient entre eux, on ne voit rien, on ne sait rien. Et Bruxelles aussi est utilisée par ces chefs d'État. Tout ce qui n'est pas populaire au niveau national, on dit toujours que c'est la faute à Bruxelles. Et Sarkozy est en France et dit « je vais combattre la finance », quand il est au Conseil, il écrit ce que la BNP Paribas veut qu'il écrive. Et donc, on a utilisé Bruxelles pour une façon de faire passer toutes les lois impopulaires au niveau national. On a dit que c'était la faute à Bruxelles. Et à Bruxelles, on a des technocrates qui n'écoutent pas et qui se croient au-dessus des lois. Donc forcément, c'est un cocktail explosif. Et c'était la Grèce, aujourd'hui c'est la Wallonie, et demain ça sera d'autres États. Le souci, c'est que si l'Europe continue dans cette trajectoire-là, ça donne des arguments et des armes à l'extrême droite. Et pas juste aux gens qui critiquent l'Europe et qui veulent un débat ouvert et qui veulent avancer. Et c'est vraiment là le souci, c'est-à-dire que si le débat ne s'ouvre pas et les questions ne sont pas posées et l'Europe ne se regarde pas elle-même, elle va renforcer des mouvements qui sont très dangereux. Non, je veux le dire, ça peut-être ça va maintenant motiver les gens pour se continuer à mobiliser, parce que tu dis on est loin, mais voilà, il faut continuer. Ouais. Donc peut-être parler un peu plus de ce qui se va passer maintenant et des actions à venir. Et donc, ben, normalement, Trudeau venait la semaine prochaine et il y avait un sommet et on aurait voulu faire quelque chose autour de ce sommet, mais bon, apparemment, il ne viendra pas. Mais vous avez certainement vu au mois de juillet des autocollants Stop CETA sur les feux rouges, ou une publicité qui a été détournée en plein centre de Bruxelles, ou bien vous voyez certainement encore dans la rue de la Loi toutes les peintures Stop TTIP, Stop CETA, Stop TISA. Et donc les premières actions, celles avec les feux d'artifice, les détournements de pub, elles ont été faites par TTIP Game Over, qui est en fait un collectif. En fait, l'idée de TTIP Game Over, c'est que chaque citoyen peut aller avec ses amis, sa famille, créer un groupe, organiser une action joyeuse contre le CETA ou le TTIP, et ensuite le diffuser à travers la plateforme. Et donc ça, c'était la séance d'échauffement au mois de juillet, mais bon, la vraie séance, normalement, le vrai round, commence le 3 novembre, ce sera du 3, 4, 5 novembre. Et là, on aura une multitude d'actions qui vont se dérouler dans Bruxelles et ailleurs. On est en train de mobiliser en Hollande, en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Et donc, tout à chacun pourra faire une action drôle. Donc, ça pourra être se déguiser et mettre des paillettes, ça pourra être détourner une pub, ça peut être tout, vraiment, et n'importe quoi. Et l'idée, vraiment, c'est de montrer que tout citoyen est capable de faire la désobéissance civile, que c'est quelque chose de facile, que c'est quelque chose qui peut être drôle, qui peut permettre aux gens d'être très créatifs et de faire des actions très drôles. Et donc, tout ça, ensuite, sera mis sur le site, sera partagé à travers les réseaux sociaux et fera partie, en fait, de la session de donc 3, 4, 5 novembre de TTIP Game Over. Et ensuite, on aura une grosse fête le 5 et on décidera de quelles ont été les meilleures actions, les plus drôles, les plus créatives, les plus insolites. Mais on encourage vraiment les personnes à se regrouper entre elles et en fait proposer quelque chose. Ça peut être par exemple une session de klaxon, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Et en fait, c'est de là vraiment qu'on cherche à partir, c'est de l'organisation des gens ensemble autour d'un but politique et de retrouver, de repolitiser en fait des sujets européens. Parce que l'Europe, c'est 500 millions de personnes. L'Europe, même si ce qu'elle fait paraît très distant et qui en fait n'a pas d'impact sur notre quotidien, c'est quand même malgré tout 50% de nos lois. L'Europe, c'est aussi la raison pour laquelle on a des produits chimiques encore dans nos parquets, dans nos bouteilles d'eau et dans nos cosmétiques, des produits chimiques qui sont dangereux pour notre santé mais qui sont toujours là. Donc l'Europe, ça a vraiment un impact sur nous tous. Donc c'est à nous tous aussi de montrer qu'on n'en veut pas de cette Europe-là et donc de pouvoir de s'organiser, mais de façon créative et drôle, parce qu'au final, manifester, signer une pétition, c'est une façon de faire de la politique, mais elle appartient à tout le monde, la politique. Ben voilà, mais c'est magnifique. alors, oui, pour les informations et tout ça, tu parles là d'une plateforme, oui, ça se trouve où? C'est TTIP Game Over, vous pouvez regarder sur ttipgameover.net, le site est en français, anglais et néerlandais. Ensuite, sur les réseaux sociaux, c'est TTIP Game Over sur Twitter et Facebook. Et là, vous avez aussi donc, le consensus d'action, où vous pouvez voir un peu les mini-règles qui ont été élaborées. Et vous avez aussi une adresse mail où vous pouvez envoyer vos questions ou vos demandes d'informations ou juste votre idée d'action et on partagera avec grand plaisir. Ok. Je peux donner quelques dernières infos? Oui. Oui. En fait, donc, pour la signature du CETA, il y avait d'abord le VLD qui était prêt en fait à faire un problème institutionnel, parce que donc les Wallonies a le droit de refuser et donc la Belgique n'est pas obligée. mais ça a été refusé par tous les membres du gouvernement, tous les parties du gouvernement fédéral. Alors maintenant, ils veulent faire passer ça au niveau du Sénat. Donc si le Sénat accorde, donc donne leur accord, eh bien, ils pourront signer. En fait, c'est un projet de loi qu'ils essaient de pousser. Ah oui, en fait, tout le monde disait que le Sénat, ça ne sert à plus rien. Mais là, ils ont dû trouver quelque chose. Voilà, exactement. Voilà, la lutte, ce n'est pas fini. Non, très démocratique, en tout cas. Après, l'espoir qu'il y a, c'est que en prenant du retard, on avance de plus en plus dans les campagnes électorales en France et en Allemagne. Et malgré tout, l'Allemagne, c'est encore un pays très puissant et influent dans le débat européen. Et l'idée, en fait, c'est de mettre ce sujet en campagne électorale et de pousser les politiciens à s'exprimer et, encore une fois, de faire en sorte que ce sujet se politise et que ça soit difficile pour un politicien de défendre ce thème et de te dire « oui, le CETA, c'est bien ». Puisqu'en fait, il y a très peu d'arguments pour prouver que le CETA, c'est bien. Même la Commission elle-même ne dit plus que le CETA amènera des emplois puisqu'elle le sait très bien que ce n'est pas vrai. Donc il y a très peu d'arguments pour, et si on arrive à coincer vraiment les politiciens dans le débat public et demander mais pourquoi vous le soutenez, pourquoi vous étiez prêt à signer, alors là je pense qu'on aura déjà gagné une bataille, mais une petite bataille, mais une bataille quand même. Et au point de vue européen, quels sont les pays qui ont refusé de signer? Alors pour le moment, les pays dont ça a été difficile, c'est l'Autriche, qui a un gouvernement pour le moment sociodémocrate. Ensuite, la Roumanie et la Bulgarie avaient menacé de ne pas signer. Alors là, c'était pour toute autre question. C'était pour des problèmes de visa. Puisqu'en fait, les Roumains et les Bulgares ont un régime différent de visa avec le Canada. Et ils s'estimaient discriminés, donc ils ont utilisé cette opportunité pour changer leur régime de visa. On sait que c'est difficile en Pologne, de garder le consensus. On sait que la Slovénie a des grosses questions, notamment pour le lait, pour son secteur de lait. Ensuite, après, les autres gouvernements s'opposent très peu. On sent que la Hollande est beaucoup moins optimiste et pousse beaucoup moins pour le traité qu'avant. Mais ce qu'on voit, hélas, et c'est souvent le cas, c'est qu'il y a toujours une différence assez grande entre la mobilisation sur le terrain, comme en Allemagne, où on a eu 320 000 personnes dans la rue le 17 septembre, c'est incroyable. Mais malgré tout, on a toujours une chancelière allemande qui veut et pousse pour le CETA. Oui, c'est normal. Volkswagen doit payer des milliards aux États-Unis parce qu'ils ont triché avec leur diesel. Avec leur diesel. Ce genre de choses, les tribunaux d'arbitration, ça peut être très intéressant en fait. Oui, ou des choses comme Bayer-Monsanto, par exemple. Ah oui. On aura Bayer, grosse multinationale, qui pourra mettre en justice la France qui déciderait d'interdire un OGM, par exemple. Ouais. Donc oui, c'est très intéressant parce que, par exemple, l'histoire de Volkswagen, les États-Unis ne pourraient plus vérifier ces choses-là si on avait un traité comme le TTIP, puisqu'en fait, une fois que les tests d'émissions auraient été faits en Allemagne, les voitures pourraient être exportées sans que les États-Unis puissent revérifier. Et c'est un peu le même souci avec les pesticides et notre alimentation, c'est qu'on aurait beaucoup de mal à vérifier que ce qui a été conforme, légal, aux normes canadiennes ou américaines, est conforme à nos normes à nous. Mais ce n'est pas juste une question de normes, parce que finalement, on dit souvent nous allons perdre nos normes en Europe, comme si en Europe, on avait les meilleures normes au monde. Je pense que le souci du CETA et du TTIP, c'est qu'ils vont aussi nous empêcher d'avoir toutes les lois qu'on n'a pas aujourd'hui et dont on a besoin. Et on les aura encore moins avec le CETA et le TTIP, donc ça va restreindre aussi le champ du débat public. On aura de moins en moins de débats sur la question des énergies fossiles, par exemple, ou la question de est-ce que les pesticides sont mauvais ou pas pour la santé. Sur les questions de gaz de schiste, on risque d'avoir des questions qui vont se poser sur comment les rendre propres, alors qu'en fait, la question devrait être est-ce que vraiment on a besoin du gaz de schiste. Donc je pense que ce qu'on ne se rend pas compte, vraiment, c'est que c'est aussi des traités qui limitent les champs politiques et du coup, les débats publics. Et ça, c'est vraiment très dangereux, parce qu'on est loin d'avoir ce dont on a besoin aujourd'hui. Et on risque de se retrouver à se batailler pour garder le peu qui nous reste. Alors que ce n'est pas ça l'attitude qu'on devrait avoir. C'est qu'on a besoin de beaucoup plus que ce qu'on a maintenant. Et il est hors de question que ces traités ne limitent. Je vais simplement revenir sur ce que j'avais dit à tout de suite. En fait, c'était le parti du VLD. Mais ce n'est pas ça. Ce qu'on a vu en fait aujourd'hui, donc le Canada et la Commission européenne ont mis la pression sur la région wallonne. Et qu'on n'est pas en train de vivre en fait maintenant exactement ce que ça va arriver, parce que la région wallonne, elle a maintenu, mais maintenant on met la pression sur le fédéral, en fait, Peter. Oui, mais en effet, mais la pression a toujours été sur le fédéral dès le début, en fait. Mais là, on a une grande chance. Ouais. On a une grande chance que le MR, qui est tout seul au gouvernement fédéral, et si c'est les socialistes, écolos et tout le bazar qui tiennent bon au Parlement wallon, au niveau wallon, pour le MR, ça peut devenir chaud. Ouais. Ça, c'est la seule chance, je pense. Enfin, bon. Ça peut diviser vraiment le débat en Belgique et créer des tensions qui n'ont pas lieu d'être, en fait, puisque le danger, c'est que ça devienne un faux débat, qu'on nous dise oui. Un débat communautaire, par exemple. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça que j'ai plus l'impression. En fait, pour réussir, en fait, ils vont commencer à instituer ça plutôt. Un débat communautaire. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas d'autres arguments. Bah oui, ça, tout à fait. Ah oui, mais ça, on avait bien compris déjà. Donc ça veut dire qu'on est pertinent quand même, donc ça va. Ok. C'est bon. Allez, merci musique, beaucoup, en tout cas. Oui, merci à vous pour l'invitation. Ouais, merci, c'est très intéressant. Voilà, on n'a pas eu d'appel. Peut-être que les gens, je ne sais pas si les gens ont écouté. Ils étaient passionnés. Ils étaient passionnés. Cloués dans leur fauteuil. Enfin, je pense qu'on aura encore beaucoup de choses à raconter. Exactement. Un peu de musique ? Ouais. Ah, ben musique. Oui. Hein. Here!